Que chuva. Ramasser des champignons. On était les rois des cons. Ça fait penser à quoi cette musique? Benji Rasta.